Bonjour à tous et bienvenue. Posez-vous tranquillement avec nous, on va parler musique, culture et jouer à des petits jeux. C'est parti pour ce nouvel épisode de Amicalement Vôtre, générique. Bonjour à vous deux, ça va bien les gars? Ouais, ça va quoi? Bon, du coup, on va lancer cette petite émission qui s'appelle Amicalement Vôtre. Donc, on est trois. On a enfin trouvé un petit peu le temps d'écrire ce projet. Bah, comme vous savez, on est un peu tous en confinement en ce moment. Donc, on a pu travailler un petit peu plus sur ce projet. Et on est vraiment tous les trois des fans de musique et on voudrait un peu pouvoir en parler sous un format de podcast. Donc, on se place en personne qui apprécie la musique en général et on parle plutôt avec les émotions qu'on a pu ressortir. Plutôt que les faits, en fait, on n'est pas vraiment des journalistes ou des puristes, on n'a pas trop cette prétention. Et du coup, aujourd'hui, on a notre thème de cette émission de Amicalement Vôtre. Ça va être le début, ça va être la genèse, savoir comment chacun d'entre nous a découvert la musique et plus particulièrement comment elle nous a aidé à grandir. Donc, c'est parti pour ce premier épisode. Mais avant tout, on va se présenter. Donc, Pso, je te laisse te présenter. Donc, Pso, hein, comme Romain l'a dit, comme Hergé l'a dit, j'ai 22 ans, je suis étudiant en école d'ingénieur et j'écoute du rap depuis que je suis en seconde, je pense. Donc, moi, je suis surtout rap francophone. J'écoute beaucoup de rap francophone, que ce soit français, belge, mais un peu de rap ricain, surtout en ce moment. En ce moment, un peu plus de rap ricain, mais de base, ouais, c'est beaucoup plus de rap francophone. Et j'en écoute depuis... Ouais, voilà, depuis la seconde, j'écoute un peu de house techno aussi. Donc, mes styles, c'est surtout rap, house et techno. Voilà. Ok, bon, Pso, du coup, Pso ou Paul, Pso, c'est son petit blaze. Ouais. Du coup, là, maintenant, on a le petit DJ de la bande. Vas-y, Bazou. Bazou, c'est merde. moi, c'est du coup Emile ou Baz, comme on aime à m'appeler. Du coup, bah ouais, idem, dans le même établissement que Paul, So et Arjax. Tu veux dire que t'es dans l'ingénierie, c'est ça? Exactement, dans l'ingénierie, jusqu'au bout des ongles. Quel type d'ingénierie? Ouais, dis-nous tout, dis-nous en plus sur ce que tu pratiques. On va faire un petit CV. Ouais, vas-y, attends, c'est le moment, mec, tu cherches un stage en plus. Ouais, attends, bah. Plus un CV musical dans ce cas-là. Bah en fait un peu à la Pso du coup je kiffe le rap, j'écoute pas mal de rap, plus rap US moi en ce moment là depuis 3 ans maintenant je pense, je commence à poncer le rap US, mais j'ai commencé par écouter d'autres choses, on parlera un peu plus tard, et quoi d'autre, bah j'aime vraiment découvrir des styles de musique, des artistes, hein, que ce soit leur univers, que ce soit bah, ce qu'ils ont à dire et tout. Et en ce moment, du coup, c'est plus ouais, de rap US, un peu de rock et de house. À balle de house. À balle de house, ouais, je voilà, comprends. Voilà, voilà. Ok, mon petit Bazou. Tu vas nous dire un peu... un petit peu sur moi, tu vas en connaître un petit peu plus sur ton hôte. Du coup, moi, c'est Romain. Sergé. Alias Sergé, ouais. Moi, c'est mes initiales, hein. Il n'y a rien à voir avec un certain auteur. Mais ouais, du coup, Romain, on fait aussi partie du même établissement, pas dans la même spécialité. Mais niveau musicalement, on se rejoint plutôt bien tous les trois. Donc Romain, en plus je suis le plus vieux ici, là j'ai 23 ans. Et du coup j'ai commencé la musique au collège. J'ai joué de la musique pendant très longtemps, ensuite j'ai écouté au collège vachement de rock. Et au lycée je me suis mis un petit peu dans le rap. Et là vraiment, j'ai vraiment poncé un peu tout ça. Et après bah du coup je suis arrivé en école d'ingénieur. Je me suis rencontré les deux typos, c'est notre Gapso qui m'a invité aux premières soirées techno. Et notre gars Baz qui était le DJ, donc avec qui je m'ambiançais pas trop mal, donc ils m'ont fait découvrir un petit peu plus la house et la techno en général. Donc du coup, ouais, bah on se connaissait avant, mais en tout cas c'est vous deux qui m'avez fait découvrir la house en tout cas, et Dieu merci, parce que bon c'est ce que j'écoute aujourd'hui encore maintenant. Là je suis très rap français, très house, et j'écoute aussi un petit peu de l'indie rock. Ça a touché un petit peu à tout. de l'indie rock. Qu'est-ce que l'indie rock comment il s'appelle? Genre du Matt DeMarco, tu vois. Mac DeMarco pour commencer. On voit aussi du Foster the People et ainsi de suite. Tout ce qui est là-dedans, en fait. Tout ce qui va être un petit peu rock, mais léger. Ou sinon, par exemple, comment il s'appelle les petits gars là, de Suède, là. Boy Pablo, t'as dit ça? Yes. Ah, putain, mec, tu lis dans mes pensées, beau gosse. Oh, putain. Oh, la connexion. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, on a pu se présenter tous les trois. Donc, on prévient, on est un peu des potes dans la vraie vie. Donc, du coup, on a l'habitude de se chambrer. Les insultes s'affusent assez facilement. Donc, je pense qu'on aura un petit peu la flemme de biper ça, tout ça au montage. Donc, on va garder tout ça. Et au moins, vous verrez un petit peu qu'on n'hésite pas à se rentrer dedans. Donc, ouais, en plus, c'est ça qu'en plus, on a vécu en coloc tous les trois. Ouais, on a vécu tous les trois ensemble. Combien de temps? 2 mois? Ouais, 2 mois, ouais. Pas loin. Ouais, ouais. Va, c'était vraiment une petite colle, quoi. Heureusement, 2 mois, pas plus, quoi. Ouais. Parce qu'on aurait fini par s'entretuer, je pense. Heureusement qu'on n'était pas confinés ensemble. Ouais, oh putain. Mais après, moi, on a pu picoler tranquille. C'était... Moi, ça me manque. Ouais, ça aurait été plus. Est-ce qu'il me manque un peu plus, là, quand même? Ouais, ouais, là, j'avoue, là, sortir et tout. Genre... Bon, après, voilà. Du coup, moi, ce que je vous propose pour commencer, c'est faire. Le premier jeu, il est complètement pompé. Donc, j'ai pris le truc d'un concept qui existe déjà, mais que j'aime beaucoup, mais je l'ai un peu mis à notre sauce. Du coup, c'est le jeu de Burger Quiz. C'est le jeu du burger de la mort. Donc, j'ai prévu un questionnaire pour Emile et un questionnaire pour Paul. Donc, je rappelle le jeu. En fait, j'ai posé 10 questions d'affilée, 10 questions qui auront chacune une réponse, mais notre candidat pourra la dire seulement à la fin. Des dix questions, enfin à la fin des énoncés des 10 questions. Donc Émile, j'ai commencé par ton questionnaire. Donc le questionnaire s'inspire un petit peu de la musique, mais aussi du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les premières fois, la genèse, tout ça. Donc Émile, on va commencer par toi. Je vais aller avec un rythme tranquille. Tu vas m'écouter, okay. Tu peux me dire stop, tu peux demander de répéter la question si tu veux. Mais une fois qu'une question est dite et qu'on a passé à la suite, on peut pas revenir plus tôt, d'accord? Bien sûr, tu ne notes rien sur ton ordinateur, tu ne fais rien de tout ça, sinon ça ne vaut pas le coup et t'es juste une sombre merde. Ça marche, je vais éviter d'être une sombre merde. Ouais, évite pour une fois, s'il te plaît. Donc du coup, voilà. Est-ce que tu es prêt, mon petit Baz? Ouais, je me concentre un peu, là. Voilà, et bien sûr, il y a une compétition entre vous deux. Hein. Celui qui gagne, il y aura un petit cadeau de ma part, on en parlera à la fin de l'émission. Donc restez jusqu'au bout de l'émission pour connaître le cadeau. Putain, je suis déjà en train de faire des trucs du youtubeur, c'est bon, on y est. T'es prêt, Emile? Ouais, chef, vas-y. Première question. Qui est né le premier de nous trois? D'accord. Vrai ou faux? Le vrai prénom de Joestar est Didier. Sors-moi une punchline que tu... Quoi? Passe à la prochaine, s'il te plaît. Bah, bref. Laisse-moi parler, parce que je suis le maître du jeu, je te rappelle. Sors-moi une punchline que tu connais. Quel est le premier film à être sorti au cinéma? Bohemian Rhapsody ou Rocketman? Quel est le premier mois de l'année? Quel est le premier groupe de rap à faire connaître le cloud rap en France? Qui est le créateur de l'association des Enfoirés? Qui a frappé en premier, Booba ou Caris? Le lait ou les céréales en premier? Qui est le premier du classement Billboard en ce moment, Lil Uzi ou Post Malone? Donc vas-y mon grand, là c'est à ton tour, j'espère que tu t'es rappelé de tout. Donc moi je vais faire le compte des points, moi j'ai les réponses qui sont là. Putain, nique sa mère. Vas-y. Premier, saut. Bah non, gros, t'es trop naze. Gros, j'ai un an plus que vous. Ah bah oui. Oh non, mais gros, non, faut faire un petit peu d'entertainment, là, tu peux pas. Mec, déjà que j'arrive pas à retenir les 10 réponses, là. Si en plus tu me perturbes sur chacune des réponses. Bah, mais en fait, normalement, t'as faux au premier, t'as perdu, c'est terminé. Genre là, le jeu, il est terminé, t'es passé pour la honte devant tout le monde. Les 9 prochaines sont bonnes. Ah, vas-y, allez, je te laisse une chance. Soit t'auras une chance aussi. Deuxième, c'est pas Didier, c'est Philippe. Donc voilà, c'est faux. Non, c'était vrai. Allez, bah c'est pas grave. Troisième, c'est une punchline. Du coup. Ah putain. Ton père le dépressif. de Sneezy. Ok. T'as vraiment remis juste la fin de la punchline, je crois. Ouais, mais bon. Ouais, attends, ouf, mais je me concentre sur la fin en même temps. Là, c'est vas-y, cool. vas-y. Putain. Ah, nique sa mère. Je crois que j'ai perdu. Ouais, je crois que t'as perdu, mec. Là, t'as toujours... t'en as non, aucune non, de non, bonne. Non, non, parce que du coup, la prochaine, la cinquième, je l'ai pas. À part les dépressifs. La sixième, c'est le premier mois de l'année, c'est janvier, je crois. Ça, c'était la cinquième, du coup. Alors, c'est janvier. Ouais. Après, Coluche, pour les enfoirés. Ça, c'est la septième, ouais. Bah, entre les deux, il y a la sixième. C'est ouais. Drap. Ouais. C'est PNL. Exactement. Oh, tu rattrapes un peu, là. Huit. Putain de merde. Écoutez la fin, je me concentrais sur le début. Ouais. C'est le principe du jeu. Ouais. Je dirais 8 Johnny Hallyday et 9 le curling. Ok. Bah, très bien. Donc, du coup, on est à un total de 3 points. Mais même pas dans l'ordre. En vrai, genre, mec, t'as fait le tiercé, mais tu l'as même pas dans l'ordre, je crois. Donc, du coup, on va reprendre. Donc, quel est le premier de nous 3, c'était moi qui étais né. Joey Star s'appelle Didier. Je crois que c'est Didier. Il a vraiment un nom très français. C'est, genre. Ouais, c'est vraiment un nul à chier. Ouais. La première punchline que tu connais, je pense que t'aurais pu faire mieux, gros, tu t'en connais plus. Bohemian Rhapsody est sorti avant Rocketman. Ensuite, Janvier, PNL, Coluche, ça tu l'avais. Ensuite, c'était Booba au Carice en premier. En vrai, on n'a jamais su et aucun de... on ne saura jamais qui c'est qui aura frappé en dernier. Le lait ou les céréales en premier, quand même? Les céréales, bien sûr. Ah, merci, très bien. Et enfin, Lil Uzi ou Post Malone qui est premier en ce moment? Je dirais que c'est Lil Uzi. C'est Lil Uzi, en effet, exactement. Ah ouais? Ouais, c'est Lil Uzi, ouais. Moi aussi, j'étais choqué en avoir. Je crois que Post Malone est seulement 7e ou un truc comme ça. Bon, très bien. Donc, on part sur un total de 3 points dans le désordre. Tu pars vraiment très mal, Emir. Pso. Est-ce que tu es prêt, Pso? Dis-moi quand tu es prêt. Ah, t'as une mémoire en béton, Paul. Qui est le premier homme? Ah ouais, t'es pas prêt. Ah, dis-moi quand t'es prêt. Je t'écoute. Vas-y, c'est bon. Qui est le premier homme à avoir marché sur la Lune? Qui est le trompettiste américain qui a fait connaître sa musique au-delà de l'Atlantique? Qui est le cycliste qui a gagné le plus de Tours de France avant d'avoir été reconnu de dopage? Ouais. Donne le premier bac qui te passe par la tête. Vrai ou faux, la grosse dame dans Harry Potter arrive à briser du verre avec sa voix. Donne le prénom du premier Armstrong que tu as cité précédemment. Qui est devant au classement Billboard de l'année 2019? Taylor Swift ou Ariana Grande? Qui arrive en premier? La lièvre ou la tortue? Est-ce que tu vas finir premier à ce jeu? Qui commence dans la chanson Sous le vent, Garou ou Céline Dion? À toi, mon grand. Alors, le premier, c'est Armstrong. Très bien. Quatrième, c'est... Attends, en vrai, c'est trop dur, gros, je te jure. Quatrième, hein, mais ça, j'ai envie de dire que c'est... Elle arrive à briser du verre avec sa glace, mais c'est pas vrai. Ah non! Quatrième, c'est... je sais plus. Je te laisse du temps, là. Enfin, répondre assez rapidement. Si tu ne connais pas quatrième, passe au cinquième. Au pire, on a fait ça. Alors, le cinquième, c'est... Vrai, elle arrive à briser du verre avec sa glace. C'était faux. Ouais, j'en sais rien, mais... sixième question, c'était Neil, son prénom. Exactement, là tu bats enfin Emile. La septième question... c'est Ariana Grande? Ouais. Non, c'était la huitième, ça. C'est ça, t'es bon. Ariana Grande, après, je vais finir devant, je vais finir premier. Ouais. Après, je sais plus. Ok, bon, alors, t'en as 5 dans le désordre, 3 dans le bon sens. Donc, du coup, exactement. Armstrong. Exactement, les 3 premiers, c'était Armstrong, ouais. C'était un petit peu le petit. Tu manquais une à chaque fois. Ouais. Ensuite, c'était. Fallait que tu me sortes un bac, genre, pas d'un scut, ça serait passé tranquillement, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, en plus, j'avais pas compris la question. Moi, je croyais Bacchès. Ah ouais, d'accord. De toute façon, ça n'existe plus, Psou, maintenant, ça. Oui. C'est annulé, tout ça. Ouais, t'es devenu un boomer, en fait, c'est bon. Ensuite, la grosse dame, non, elle n'arrive pas à briser du verre. Le premier instant, c'était bien Neil. Ariana, bien sûr, première devant Taylor Swift. La tortue est arrivée devant le lièvre. Ah oui, putain. Est-ce que tu vas finir premier à jeu? Franchement, t'as dit toi, mais je suis pas sûr parce que vu que je vais pouvoir jouer après. Et enfin, Garou commence sous le vent. Bien sûr qu'il commence sous le vent. J'ai même pas écouté la dernière question, j'étais concentré au début. Ouais, c'est quoi la première parole déjà de sous le vent? C'est comme si c'était fini jamais ou un truc comme ça. C'est comme si j'avais pris la mer. Non, ça c'est le refrain, je crois. Bon, très bien. Du coup, on a 5 points dans le désordre pour Upso. Okay. Attends, super. Parce que 5 points dans le désordre, c'est pas ouf. Hein. Non, c'est pas ouf. Faut dire les 3 dans le désordre. Hein. Je pense que c'était plus simple. Vous avez déjà joué au jeu ou pas vraiment en jeu de plateau? Parce que le jeu de plateau, il existe et tout. Et les questions, elles sont hyper traites de ouf. Je faisais ça chez une copine l'autre jour, elle en a joué à ça. Mais ouais, c'est super intéressant. Et il y a très peu de personnes qui arrivent à faire les 10. Hein. Mais ils y arrivent en plus, gros, dans Burger Squeeze. Pas souvent. Ouais, ils en arrivent au moins 7 ou 8. Nous, là, comme ça, on en arrive 3. Ouais, après, on n'est pas super concentrés non plus. Ouais, bon, après, non. On est assez chill là-dessus. Ouais, mais t'imagines les mecs qui sont devant la télé et tout. C'est une galère. Après, c'est pas en live non plus, c'est genre, ils sont enregistrés. Ouais. Mais genre, je crois que si tu fais 5 déjà, t'as le petit burger et du coup, tu pars avec quelque chose quand même. Il me semble. Après, je suis pas un aficionado non plus de l'émission. Ouais. Bon, du coup, moi, ce que je vous propose, là... Ah, attends, excuse-moi. Non, mais tu vas clairement pas pour gagner un truc, là, ça. Tu vas pour t'amuser. Ah oui, carrément, je pense. Et déjà, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Enfin, moi, des fois, je suis un peu gêné que ce soit quelqu'un qu'on connaisse pas, tu vois, avec les deux typos au milieu. Enfin... Bon, il dit rien, le gars. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, genre, il est juste là, tu vois. Il me fait un peu de tiep, en fait. Enfin voilà, on va revenir un petit peu sur l'émission. Là, du coup, je vous propose de parler de la genèse, de ce qui nous a donné envie d'écouter de la musique, qui nous a permis de grandir grâce à la musique et ce pourquoi on est redevable grâce à cet art. Et du coup, vu que c'est moi qui parle, je vais commencer. bon, par contre, je vais vous dire, sur mes 3 références que j'ai sorties, je suis vraiment un cliché du lycéen qui découvre le rap. Genre lycéen blanc en plus, hein, ça se voit que je suis blanc en fonction de ce que j'écoute. Et donc, vu que je vais pas respecter la règle, moi, j'ai demandé pour ces émissions à ce qu'on arrive avec des albums, donc un album qui nous a fait grandir, un album qui nous a fait marquer. Et donc, moi, pour ma première référence, c'est pas un album, mais 2 albums. Ça va être les 2 albums des EP plutôt, on va dire, de 1 à 5, La Source et La Suite. Donc, ces 2 albums le premier est sorti le 27 juin 2011. Donc il va bientôt pouvoir fêter ses 10 ans l'année prochaine, à part si on va tous mourir. Parce que d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais à Tchernobyl, ça brûle. Ouais. Donc 2020, c'est pas fini encore, les gars. Et c'est que le début. Et donc du coup, on va bientôt pouvoir fêter ses 10 ans. Donc c'est le premier EP du groupe composé de Funky Flav, Areno Jazz, Sneezy, Nekfeu, Hologram Low et Alpha One. Et on va tout de suite écouter un extrait de La Suite avec le titre Comme un grand. Les temps sont durs à Paris, donc on s'accroche. Sortez les parapluies, rangez les parasols. Pour Philophale, l'insouciance a pris le large. Depuis l'époque de Fisher Price, Peter Parker, Spider-Man, je vis ce taf à fond, rime dans le caleçon. À quoi sert d'être basketteur et de jouer à Villeurbanne? On gratte des feuilles et taf des heures. Rime tard, fabrique des hits de rap dans le but d'enjailler le peuple. J'attends les. Donc c'est un groupe qui m'a marqué parce que j'ai découvert le rap un peu grâce à eux avec les rap contenders. Bon, c'était potes qui m'envoyaient les vidéos là de mecs qui clashaient dans des caves, tu vois. Genre, c'était un peu bizarre. Franchement, c'était que des gars dans une cave. Ils attendaient juste qu'il y ait un mec qui sorte une grosse punchline et après tout le monde criait, tu vois. Genre, ça avait un peu une ambiance que de mecs où ça sentait la sueur et les couilles, tu vois. Et vraiment, ça se crachait bien sur la gueule. J'ai vraiment découvert Sneeze, Alpha et Nek. Les RC, ça continue là un peu. Ouais, j'ai vu, mais déjà, il y a toujours Gaiden, je crois, qui est toujours dedans. Qui lui qui a jamais sorti d'album mais qui est toujours aussi chaud. Il est toujours aussi chaud pour sortir des punchs. Lui il sera juste connu pour la grosse pété qui s'est pris. Je sais plus contre qui c'était, mais. Je crois que c'est contre Jazzy Baz en plus. Jazzy Baz. Ouais. Mais tu sais, genre en même temps, t'avais un peu le lobby de l'entourage, tu vois, qui était là. Genre, il y avait les mecs de l'entourage, ils arrivaient à 20, donc forcément. il mettait grave l'ambiance pour un des typos, alors que je trouve que Gaiden était pas... Attends, peut-être que je confonds avec un autre gars. Mais si... Ah, attends, Gaiden, c'est pas le mec qui avait les cheveux dégueulasses, là ? Je sais pas trop. Non, Gaiden, c'est Bigo. C'est contre Dean Verdigo. Ah ouais, c'est ça, oui, oui. Ouais, et le taille, genre, sous ses poils ou un truc comme ça. Bon. Ouais, ça, je rappelle, le Saint Punch, elle était marrante. Et du coup, ouais, j'ai grave découvert ces typos là-dedans. Il y a aussi les freestyles, tu vois, genre les freestyles, l'homme dans la laverie, là. Tu sais, genre, où t'as Dooms qui tranche un type derrière et t'as Nick qui est en train de frapper devant, qui est en train de rapper devant une machine à laver. Bien sûr, dans ta réso, là, où on mettait grave ça au début, là, quand on sortait, c'était bien énervé. Donc, du coup, j'ai grave écouté ce groupe, là. J'avais 14, 16 ans. Donc, forcément, tu t'identifies au truc. Les mecs, ils font ça en indé. Ils font des soirées. Ils veulent des meufs et tout. Mais à côté, c'est un peu des losers aussi. Mais ça marche, tu vois. Et donc, du coup, genre, c'est là où je me suis vachement identifié. C'est que, c'était une bonne bande de potes. Ils faisaient vraiment tout ensemble. Il y avait des clips qui étaient super cool à l'époque. Et genre, je voulais grave aller voir les concerts. D'ailleurs, il y avait un clip qui m'a grave marqué, c'est celui de Renega, un son de la suite, où genre dans une ambiance très, je sais pas si vous avez vu le clip Justice, enfin le clip Stress de Justice. Ouais, bien sûr, hein, bien sûr. Bah en gros le clip c'est dans le clip de Justice, c'est des enfants, des gamins qui viennent foutre la merde partout un peu où ce qu'ils vont, tu vois. Et avec une musique assez terrifiante, Stress, elle est hyper terrifiante comme musique, genre. C'est trop angoissant. Ouais, t'es mal à l'aise quand tu l'écoutes. Et pourtant, je la trouve assez géniale. Et Renega, pareil, avec une instru qui est assez angoissante. Et en gros, ils sont tous les mecs du crew dans une usine désaffectée. Et ils sont attaqués par des types. Et bon, c'est un peu des scènes de baston un peu ridicules, mais c'était sympa. Et du coup, j'ai bien kiffé ce truc. Et en fait, c'est un peu le premier groupe de rap qui m'a mis au rap. Et j'ai un peu abandonné mes anciens albums de rock que j'écoutais au collège et je suis parti par là-dessus. Et c'est vraiment le deuxième EP avec la suite qui m'a marqué avec des sons comme Comment dire ou Comme un grand là, où, qui étaient toujours aussi cool. Et j'ai toujours eu un fait pour l'insolence de Sneezy qui était assez cool. Genre, il dit. Ouais, genre, enfin là j'ai noté une petite punch qui me faisait marrer, tu vois, à l'époque c'était les heures passent si rapidement qu'ils ont laissé béton. Moi je suis un grand garçon, j'apprends ma leçon au lieu de baiser des tons. Toi c'est des punchlines vraiment de gamin, tu vois, mais ça me faisait bien marrer, tu vois. Ouais, tu vois, bah, tu sais, genre c'était aussi un peu ce que faisait Orelsan, tu vois, avec pas sale pute, mais tu sais, la Saint-Valentin, genre le son Saint-Valentin, tu vois, enfin c'est un son de gamin, mais genre il a marché de ouf, genre forcément les gamins ils ont fait ça. Ouais, je suis d'accord. Et c'est un peu comme Vald aussi, genre il fallait absolument qu'il sorte un jour son morceau, tu sais, là où le clip c'est il est sorti sur Pornhub là. Putain, c'est pas en fait, c'est ouais, mais on dirait une comptine, genre le refrain, tu vois. Ouais, mais celui qui est sorti sur Pornhub, ouais, tu sais, je sais plus c'est qui l'actrice en plus, elle est connue. Putain, bon, en gros, il dit ouais. Ah oui, selfie, voilà. Et on selfie, ouais. Selfie. mais du coup, ouais, ils ont tous eu un petit peu, hein, c'est un moment, faut passer par là, j'ai l'impression, faut que tu fasses des trucs de cul qui fassent rigoler les jeunes pour t'accrocher un public. Et du coup, moi, c'est un petit peu le premier groupe qui m'a vraiment fait kiffer, tu vois. De ouf. Et j'ai vraiment voulu aller à leur concert, je suis jamais allé voir, par contre, c'est dommage. Je voulais grave avoir un t-shirt. Et jamais eu non plus, parce que bon, j'avais pas les thunes. Mais tu sais, c'était cool d'avoir un petit crew là qui montait ensemble, qui faisait tout en indépendant, genre à part la distribution, mais genre c'était, je me rappelais, c'était Funky Flav, il disait en interview que c'était tout se passait chez lui, genre il avait emménagé dans un placard, un studio en fait, et du coup après, et c'était Hologram Lo qui faisait les sons, enfin vraiment c'était complètement en indé, ils écrivaient tout ensemble. Et j'ai regardé un petit peu un documentaire là l'autre jour sur leur premier Bataclan. Et c'est vraiment trop drôle parce que t'as l'impression qu'ils sont arrivés le matin sur la scène et ils savent vraiment pas ce qu'ils vont faire. Genre toute la journée ils disent ouais vas-y on fait ça et tout, et genre tu leur vois toute la journée genre en mode alors, ouais on va faire ça un moment tac et tout. Et après ça avait l'air énervé le concert, tout on avait l'air bien chaud. Tellement street à l'époque et tout. Ouais ouais, mais tu sentais que ouais ils arrivaient là-dedans, ils connaissaient pas grand-chose et vu qu'il y avait pas les labels derrière eux, vu qu'ils étaient en indé, bah c'était un peu à l'arrache, ouais. Mais ça marchait, ouais, ça marchait. C'est cool qu'il y avait personne sur qui ah ouais on va faire pareil que, tu vois. C'est les premiers. Ouais, c'est ça aussi, ouais. C'était les premiers qui émergeaient. Et puis en plus, j'ai regardé un peu des interviews. Derrière IAM et NTM, quand même. Ouais, mais tu vois, IAM et NTM, ils héritent un petit peu différent, quand même, sur le. Bah, sur l'émergence, en fait. Parce que IAM et NTM, ils viennent un petit peu d'un. Enfin, il y a des mouvements sociaux, il y a de la musique et tout qui crée autour de ça. C'est une musique qui se veut plus revendicatrice, et donc, du coup, qui va chercher son public par rapport à ça. Alors que. Je trouve que l'émergence des rappeurs qu'on a écouté à ce moment-là, c'est aussi grâce à YouTube, aux chaînes de streaming, tu vois, genre on a commencé à écouter par rapport à ça, et du coup... Comment ? Je pense à des sons peut-être un peu plus légers. Ouais, il y a ça aussi, il y a carrément des... Bah, genre la suite, il est hyper léger, genre il parle juste de potes qui chillent entre eux, tu vois. Pareil, t'as La Flemme aussi qui est sur cet album-là, qui est... Genre, ils répètent juste La Flemme pendant tout le truc, et genre, ils veulent rien foutre, tu vois. Enfin, il n'y a pas forcément des revendications, il y a juste une manière, genre, vas-y, on rappe, on fait ça bien, il y a la technique. Ouais, bah ouais. Après, ils étaient jeunes aussi à l'époque. Hein. Ouais, il y a ça aussi. Ils n'avaient même pas passé le bac, ils avaient déjà... Tu faisais déjà des tournées et tout, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est ça que c'était ouf. Hein. Je crois que ouais, Sneeze, il a su une punchline comme ça. Il fait ouais, bah j'ai abandonné le bac pour finir dans les bacs, tu vois. Et enfin, c'est stylé. Peut-être je fais putain, moi, faut que je passe mon bac à la fin de l'année. Et, nique sa mère, t'as, j'ai envie d'être rebelle. Bon, finalement, j'ai jamais été rebelle, les gars, j'ai eu mon bac. À la fin. Mais toi, je trouvais ça cool d'avoir un groupe comme ça, un petit peu plus, un truc qui mettait un peu de fraîcheur là-dedans. Enfin, je sais pas si vous avez eu quelque chose comme ça qui vous a un petit peu marqué, tu vois. Bah, en soi, tu vois, je pense qu'un 995, c'était un peu la base de rap de... Si tu commençais à écouter au lycée, il y avait que ça quasiment. Oui, enfin, moi perso, il y avait que ça que j'écoutais et que... Et quand t'écoutais ça, tu te sentais un peu teug au lycée ou... Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'après, franchement, ça passait bien auprès des meufs aussi en plus, on va pas se mentir. Ouais, donc forcément t'es, genre, tu parlais de ça avec des meufs, c'était cool. Surtout, moi, au lycée j'étais pas la star du game niveau meuf. Hop so Bah, c'est vrai, il faut dire la vérité, hein. C'est amélioré pour toi, mais... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as parcouru depuis que t'as une barbe. Ouais, franchement mon gars là, t'es devenu un exemple pour moi. En même temps je pense que du coup au final, genre, ouais. c'est tous ces albums là dans 995 l'entourage, bah ça... Moi, c'est sur Feu que j'ai commencé vraiment à poncer le rap. Et bah, en fait, je pense tout seul, du coup, ça a créé de la hype en fait, autour de Feu. Parce que je me souviens très bien, genre quand j'étais, bah, c'était lycée, je crois, c'était seconde première, que Feu est sorti. Ouais. Et mais il y avait une hype de ouf. Je me souviens, genre, il avait sorti Égérie en premier, ouais. En clip. Et genre, avec mes potes, on l'écoutait H24 et tout. On était, putain, il va sortir son album enfin. Il a sorti The P avec tout le monde. Il y avait vraiment la hype de ouf. Je pense, alors, que, je pense ouais. Que c'est lié en fait à tous ces projets qu'il a fait aussi bien avec les 5 mages qu'avec 995, l'entourage, etc. Quoi. Ouais, il y a Screw aussi, ouais. Non, mais ça, quoi. Bah, en plus, c'était un peu le moment où tout le monde devait être en crew, tu vois. Genre maintenant, là, le rap, c'est hyper. Chacun fait son album. Mais à cette époque-là, genre, c'était que des crew. T'avais l'entourage, t'avais Screw, t'avais Stupéflip, Stupéflip qui était quand même là depuis un petit moment. Mais t'avais CT Match aussi. Ouais, t'avais plein de petits crews qui se montaient un petit peu partout et ça bossait, enfin, ça charbonnait, quoi. Ça voulait sortir les tripes. Et ouais. C'est plutôt après où ils sont arrivés en indé et en fait, là, il y avait plus ses moyens. Mais d'ailleurs, en plus, genre, ce qui est drôle, c'est que sur l'album Feu, Nekfeu a encore fait une promotion, on va dire, conventionnel, tu vois, genre il a balancé des clips avant l'album, il avait fait des interviews, il avait parlé avec des gens, enfin c'est la dernière fois qu'il a fait un truc conventionnel par rapport à sa promotion. Quand tu vois après Cyborg ou les Vagabondes et tout là, et maintenant il a carrément disparu des réseaux là. Je sais pas si vous avez vu ça, mais même sa chaîne YouTube, il y a plus qu'un clip. Ouais. Donc moi ma théorie c'est qu'il va revenir mais faire de la techno. Et t'as pas entendu, il y a des trucs comme quoi il ferait un son, comment ça s'appelle ? Un son en japonais. Ouais, mais moi j'ai entendu parler de ça, mais bon, j'y crois pas, tu sais. Mais c'est sûr que depuis Feu, je pense, il a peut-être aussi beaucoup plus mûri. Je pense notamment par rapport à Cyborg, entre Feu et Cyborg, les termes abordés, il y a pas photo, je trouve. Ouais, peut-être que aussi, bah, il veut se faire oublier pendant un moment et revenir plus tard, parce que genre, je pense qu'il a dû avoir méga la pression, tu vois. C'est énorme, ça. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Je comprends pas le principe. Mais tu sais, genre, il a lâché un peu des punchlines en mode à 30 ans, je vais arrêter, tu vois. Il a eu 30 ans, et le jour de 30 ans, il a tout arrêté. Il a fait ses 3 diamants et voilà. Donc peut-être, soit il arrête vraiment, quoi. Genre, il arrête la musique. Soit c'est encore un autre coup de com pour venir plus tard, mais après j'y crois pas trop, parce que bon, il a quand même sorti 40 sons il y a pas très longtemps, plus un film. Donc ça m'étonnerait, quoi. Je pense qu'un mec qui vit dans la musique depuis qu'il a 16 ans, il pourrait pas faire autre chose. Bah oui, ça, c'est moi aussi, c'est ce que je me dis aussi, c'est pas possible. C'est impossible qu'il se mette à faire un taf normal, ou alors tu vois... Non, mais de toute façon, je pense qu'il a pas besoin de faire un taf normal non plus. Ouais, mais bon, à un moment, faut s'occuper aussi. Hein. Sans forcément la thune ou quoi. Hein. Mmh. Bah, à voir. Après, peut-être qu'il veut faire des. Peut-être qu'il peut se mettre dans l'arche. Ouais, voilà. Emile, tu veux nous parler d'un album ou pas? Yes. Figure-toi que t'as préparé l'émission, c'est bien, bravo. J'ai préparé quelques petits trucs. Vas-y, dis-nous tout. Je suis pas venu les mains vides. Moi, non, contrairement à toi, du coup, j'ai pas prévu de parler d'un album de rap. Et non. Désolé. La surprise. Rock. Vas-y, mon grand, dis-nous tout. On va parler de rock et principalement donc d'un album que qui m'a rendu ouf en fait jusqu'à aujourd'hui parce que je continue de l'écouter régulièrement. C'est Sticky Fingers des Rolling Stones. Alors, okay. En gros, pourquoi cet album? Pourquoi j'ai choisi? Déjà parce que, en fait, tout simplement parce que c'est l'album avec lequel j'ai commencé à vraiment écouter de la musique. Donc, par vraiment écouter de la musique, c'est commencer à me définir une espèce, pas une identité musicale, mais à écouter vraiment sérieusement certains albums, etc. Et à se construire au moins une culture musicale. Non, ouais, carrément, c'est important. Et c'est, en gros, c'est pour ça que j'ai choisi cet album. Donc, alors, du coup, comment j'en suis arrivé à cet album? Dis-nous tout. En gros, c'est en j'ai commencé à écouter ça en sixième. C'était en fait, j'avais aucune culture musicale à l'époque. Je sais pas si vous c'était pareil un peu, mais genre je connaissais Deezer et je tapais, je crois, je sais pas les sons que j'entendais à la radio ou des machins comme ça, mais genre j'avais vraiment aucune référence. Ouais, t'étais une grosse merde, quoi. Ouais, c'était, tu sais, genre c'est des musiques qui passaient sur France 3, quoi. Ah ouais. Teddy Bear, etc. Genre. Ok, ouais, c'est chaud. Ah ouais, ouais, ouais. Attends, mais t'avais quel âge à ce moment-là? Teddy Frog, à fond chez moi. J'étais en 6ème. Ouais, ok, d'accord. Ouais, parce que oui, bah, moi aussi j'écoute des Crazy Frog, mais bon, j'étais au primaire, quoi. Mais bon. Et du coup, en gros, là, il était temps. Il était temps de commencer à écouter de la musique. Carrément, ouais. Du coup, mes darons avaient toute une collection de disques énormes. Ouais. Je ne savais pas du tout par quoi commencer. Et en gros, je me souviens très bien, j'ai demandé à mes parents, je voulais écouter du rock. Je ne sais pas pourquoi. Et le seul nom de rock qui te venait à l'esprit à l'époque, c'était Rolling Stones. Et le seul album qu'on avait à l'époque, c'était Sticky Fingers. Ok. Et cet album, c'est une putain de pépite. C'est un truc de ouf. C'est un grand truc de malade. Encore aujourd'hui, je le considère comme, je pense, le meilleur album des Rolling Stones qu'ils aient jamais sorti, un truc de ouf. Tu le considères comme ça objectivement ou genre en mode, c'est parce que c'est le premier album que t'as écouté? Ouais, non, déjà parce qu'il y a un cocktail affectif qui est ouf. Ouais. Et parce que déjà que ce soit même après m'être enseigné dessus, en gros, l'histoire autour de cet album, c'est un truc de malade. Et même musicalement, en fait, il regroupe, moi, ce que je préfère chez les Rolling Stones. Je trouve que c'est ce qui est le plus abouti d'un point de vue musical. Parce que, notamment par exemple, en gros, ça arrive juste après la mort de Brian Jones. Donc il faut savoir qu'il y avait deux guitaristes à l'époque avec chez Stones, donc Brian Jones et Keith Richards. Et à la mort de Brian Jones, donc en 69, 2 ans plus tard, ils sortent l'album, donc Sticky Fingers. Et en gros, il y a Keith Richards qui exprime à fond en fait tout son génie musical qui était avant un peu partagé avec Brian Jones. Et en gros, t'as des grandes envolées musicales, etc. dans tous les sens. T'as des cuivres qui débarquent, on sait pas d'où ils viennent. T'as des morceaux qui commencent à faire 7 minutes, comme Can't You Hear Me Knocking et Moonlight Miles, ouais. Qui sont des morceaux un peu plus longs, un peu plus progressifs. Ouais, et, carrément. T'as un ajout en gros de musicalité. Tu quittes les riffs basiques avec voilà quoi, des trucs un peu qui font tourner, qui faisaient tourner depuis un moment. Et là, on aborde dans des trucs vraiment plus complets musicalement. Le paysage musical est vraiment génial, je trouve. Toutes les tracks, je trouve, ont une vraie identité. Ouais. Et c'est ce qui fait que cet album est magique, en fait. Mais du coup, ça arrive à quel moment dans leur carrière? C'est parce que, enfin, j'imagine que vu le format, le business plan, on va dire, de la musique à l'époque, c'était si tu pouvais faire des musiques de 7 minutes, c'est des musiques qui n'avaient pas passé à la radio. Donc, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se permettre de faire des musiques comme ça, en fait. Donc, du coup, c'était à quel moment dans leur carrière qu'il est sorti cet album? En fait, c'était pas leurs tubes. Ouais. Sont passés, pouvaient passer à la radio, c'était des tubes qui faisaient beaucoup moins de temps. Par exemple, si tu regardes Brown Sugar, donc la chanson la plus connue de l'album, mm-hmm. elle fait 3,49. Donc ouais, donc c'est même, spécial pour une radio, quoi. C'est ça. Ouais. Mais après, ça les empêche pas justement de faire des sons qui sont beaucoup plus longs. Ouais, carrément. Mais j'avoue, moi, j'ai pas mal écouté les Stones plus les Beatles. Mais pareil, tu vois, là où je te rejoins vraiment, c'est que c'est mes parents qui m'ont mis un peu à la musique. Mon père a grave écouté grave de la musique quand il était jeune aussi. C'est... Et du coup, j'ai une tonne de CD d'albums à la maison, tu vois. Et forcément, c'était de la musique de mon père, tu vois, qu'il y avait. Donc moi, j'ai commencé la musique avec The Cure, avec Depeche Mode, avec les Beatles, Rolling Stones, tu vois. Donc que des groupes de rock et tout, et j'ai grave kiffé. C'est comme ça que j'ai commencé la musique. Mais je trouve ça cool, tu vois, d'avoir une influence des parents, tu vois. C'est exactement ce que je voulais demander, genre dans quel type de musique vous avez grandi. Parce que moi c'était exactement pareil. Beatles, Rolling Stones, Led Zepp, ouais. Pink Floyd, tout ça, ce qu'ils écoutaient, enfin mon père surtout. Pareil, j'ai des tonnes de CD. Mon père il a racheté un truc de vinyle exprès, on a des vinyles. Ah ouais, ah, trop bien. On met ouais, les anciens albums et tout, c'est génial, tu vois. Ouais, c'est un grain quoi. Imaginez-moi en train de fumer une clope quand je dis ça. Également, gros. Un petit martini. Ouais, un petit jean, s'il te plaît, un jean. Toi, t'as grandi dans quoi comme musique, Emile, un peu? Idem, sauf que c'était un peu plus hétéroclite. Parce que du coup, moi, mon père, il était plus rock, blues. Mais ma mère, elle écoutait des machins un peu. Je sais pas, c'est chelou. Je saurais pas le classifier. C'est... Musique du monde, un peu? Ouais, c'est ça. Genre Yael Naïm, pas mal. Un peu de chanson française. Yael Naïm, elle a fait une reprise de Toxic, qui est pas mal. Ah ouais? Ah ouais, moi aussi j'ai grave eu la chanson française aussi. Genre du à la Bachung. Ma mère écoutait Jean-Jacques Goldman au max. Bachung à balle. Ouais, mes parents, je crois que mes parents, genre c'était leur truc d'amoureux, tu sais. Genre ils écoutaient ça à deux. Du coup, ouais. Ouais, mais. Ouais, j'ai jamais écouté de chanson française de ma vie, moi. Ah ouais, genre t'as pas du Jacques Brel, du Georges Brassens, tout ça? Non, jamais. C'est très peu, genre. Ah ouais, c'est vrai que j'ai eu ça, moi. Surtout du rock et tout le temps anglais. Ah ouais, t'es genre même pas les groupes genre Téléphone. Si, Téléphone, ouais. Comment c'est il s'appelle vrai. Le groupe là, tu sais, le mec qui a tué sa femme là? Noir Désir. Noir Désir, ouais. Noir Désir aussi, ouais. C'est donc, il y a des trucs comme ça, tu vois. Donc, ouais, il y en avait quelques-uns. Ouais, il y avait quand même des groupes français. Mais après, ça qu'en musique, par rapport au rock, on a quand même 10 ans de retard sur l'Angleterre. Un peu, ouais. Donc forcément, les références, c'est là. Mais tu vois, après, en même temps, c'est cool parce que, genre, c'est mes parents qui m'ont un peu défini par rapport à ça au début. Mais ensuite, tu vois, pour me démarquer, j'ai vraiment voulu écouter des genres hyper différents. Donc, genre, à un moment, j'ai eu ma période reggae, tu vois, avec mes potes où on disait, ouais, on va fumer des joints trop bien, tu vois. Et ensuite, j'ai eu ma période rap où là, c'était carrément autre chose. D'accord. Ah ouais, c'est marrant, ouais, ça m'a suivi. Moi, ça m'a suivi jusqu'à mi-lycée. C'est quand j'ai commencé à écouter Nekfeu. J'ai dit, vas-y, nique sa mère, j'arrête d'écouter du rock. Parce qu'en gros, j'avais 6 gigas de... On m'avait filé... tu sais, genre, t'avais pas de... La musique, ça se passait pas pareil, en fait. Et en gros, on m'avait filé une USB avec 6 gigas de musique, avec tous les albums qu'il fallait écouter. Toute la discographie des Doors, de Led Zeppelin, etc. Genre, Bob Dylan, tout ce qu'il fallait. Et ça, en gros, je l'ai poncé pendant 5 ans. Ok, la classe. Début lycée. Et j'étais en mode, non, mais... La musique après le rock, c'est la musique qui passe à la radio, c'est nul à chier, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'avais ce blocage-là, en fait, jusqu'à Feu. Et à partir de là, je commençais à m'ouvrir à tout ce petit monde. Okay. Et t'as pas eu ta petite période reggae, comme il disait Hergé? Non, ça. Jamais. Mais t'as jamais écouté du Naman, du Bob Marley, tout ça? Ouais, Tyro. Tyro, ouais, putain, ouais, Tyro. Ouais. Ah, mais Tyro, c'était du son pour les meufs aussi. Hein. Moi j'avais mes petites blagues. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est ça, de vrai. Eh, on a qu'une seule vie, t'inquiète. Exactement. Trop drôle. Ah, en plus, c'est des petits souvenirs, tu vois. C'est des souvenirs que j'adore. Mais... Ah, ça me bite. Bon, vas-y, mon petit pseudo, raconte-nous tout. Moi, l'album que je vais vous parler, c'est pas forcément pareil que vous, parce que c'est pas un album qui est vieux, ou bah, un peu vieux quand même, mais pas un album qui m'a fait grandir au début de mes années rap. D'ailleurs, je suis même pas sûr que vous connaissiez l'artiste, Emile, peut-être, parce que je l'ai pas mal fait écouter en Angleterre, mais c'est Le Demarkson. Est-ce que vous connaissez? Pas du tout, moi. Hein, Emile? Ouais, j'en ai le micro. Si. Mais ouais, je te l'ai fait écouter, je pense, parce que je te l'ai fait écouter en Angleterre. En fait, c'est un rappeur belge. Donc, je pense, un des seuls rappeurs où j'ai dû poncer ses albums. Tous les albums, parce que j'écoute très peu d'albums, moi, de base. Je suis pas trop. Je vais écouter tout un album et voir ce que j'aime bien dans l'album et tout. Je suis plus. J'écoute les sons qui me plaisent dans les artistes et je pioche un peu dans tous les trucs, tu vois. Je peux jamais trop écouter l'album entier. Et le D, c'est un des premiers que j'ai écouté parce que, bah, je kiffe tout l'album, en fait. Attends, mais t'as dit le D? Bah, le D Markson, il s'appelle, mais on l'appelle le D, ouais. Ouais, le D, c'est le gars de Liège. Ouais, c'est ça. Ah ouais, bah si, mais je connais de ouf, mec. Moi, je kiffe trop, en fait. Ah ouais, tu connais? Ah ouais, vas-y, raconte. Mais mec, j'adore le D, mec. Eh bah. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur lui, je te dirai tout à l'heure. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est. Bah, après, il est pas hyper actif comme rappeur. Ouais, non. Il a pas fait énormément de choses, mais du coup, bah, comme t'as dit, ouais, il vient de Liège. Il est pas mal pote avec l'Or du Commun, du coup. Mm-hmm. Donc, les trois de l'Or du Commun. Et d'ailleurs, dans l'album que je vais vous parler, alors en fait, il a fait deux albums. Il a fait un album qui s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, le premier. Et l'autre album qui s'appelle Delta Plane. Ouais, Delta Plane qui est connu, ouais. Bah, je vous propose d'écouter Triple Bicéphale de Delta Plane, qui est un très bon titre à mon avis. Je balance la bonne journée à tous les puristes et même à ceux qui ont de la mort sous le nez. À ceux qui s'unissent juste pour voir leur vie se consumer. Quand on n'a pas de plan pour l'avenir, pas besoin de se consulter. Le seul plan qui t'intéresse se trouve en dessous de ta lampe UV. Cultiver la cupidité, plus d'argent, plus de problèmes, plus j'ai pas le don d'ubiquité. Plus t'as de liquidité, plus t'oublies qui t'étais. Tu perds la notion de tout quand tu peux t'offrir l'illimité. J'allume mes clopes avec une amulette, tellement je suis superstitieux. Je te dépucelle avec une arbalète, je suis super vicieux. Je vais te mystifier, te fumer comme un Rastafari. Arrête de raconter ta life, on sait tous que c'est une mascarade. Une Vassarna comme un combat kick entre Kitchat. Qui est sorti en 2016. Et qui est du coup son deuxième album et son dernier album. Parce que surtout qu'en plus dans cet album, il dit qu'après il va se mettre. Enfin, il va commencer à se mettre au rap et vraiment faire beaucoup. Mais depuis 2016, on n'a rien eu. Ouais. Et album que je kiffe beaucoup. Donc que j'écoute, mais énormément. Déjà parce que. Parce que je trouve que c'est un peu un style de rap un peu différent, un peu plus chill. Ouais. Trop prise de tête, donc qui est vachement. Qui est un peu chantant, ça j'aime bien aussi. Mm-hmm. Qui a pas mal de phases chantantes, des refrains un peu chantants, ça j'apprécie vraiment beaucoup dans ses. Dans ses textes, il a quand même un côté un peu branleur, c'est vrai. Ouais, c'est un peu un branleur. Ouais. Mm-hmm. C'est un peu un branleur, il raconte sa vie, il a pas peur de dire qu'il a fait des trucs crades, ouais. Il va pas se cacher derrière une petite image, ça aussi j'aime bien, tu vois. C'est bon, moi j'ai fait des trucs sales. Et du coup, dans cet album, il y a deux feats, il y a un feat avec Swing et un feat avec Primero, donc, du coup, deux des gars de l'ODC. Et voilà, donc moi le son que je préfère de base c'était Triple Bicéphale. Ouais, donc ça j'adore. Je pense avec Emile quand ça, on a mal écouté, ouais. Non mais il est trop bien ce son, ouais. Mais tu vois, c'est le genre de son qui sont dans ma playlist et que j'écoute tout le temps, et il y a tout l'album, je crois que c'est dans ma playlist rap, ça va être le seul album qui est au complet dans ma playlist. Mais ça va être coup, ouais. Mais ça, je trouve que c'est un genre qui te correspond bien, enfin, te connaissant. Mais c'est ça qu'en plus, les instrus, elles ont quelque chose. Genre, lui, enfin, ouais. Ça utilise vachement des trompettes, des cuivres, tout ça. Et D'Ibrahim Malouf. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, franchement, ouais. Il est vraiment top comme rappeur. Il est technique, en vrai. Ouais, il est pas mal technique. Et puis, tu vois, il est pas à faire trop le mec, à la jouer en mode image un peu test ou quoi. Ouais, bah, ça, tu vois, j'aime bien un peu ça. Bah, il y a pas trop d'ego trip en plus, tu vois. Genre, au contraire, c'est plutôt lui qui va faire la plus grosse crasserie, tu sais, genre, il va être content, tu vois. Mmh. Mais. J'ai un peu du mal avec l'ego trip en général. Ça me fait délirer à petite dose. Ouais, à petite dose, je peux bien aimer, mais à long terme, ça me saoule un peu. Genre, je comprends pas trop. Enfin, je comprends plus trop le principe. C'est au début du rap, pourquoi pas maintenant. Bah, en fait, moi je trouve que c'est intéressant l'ego trip parce qu'en fait c'est un peu une case obligée quand t'es rappeur. Genre, il y a un moment, faut que tu fasses de l'ego trip pour montrer que tu sais le faire, tu vois. Et genre, je trouve que l'homme. C'est plus une démonstration qu'autre chose. Ouais, voilà, exactement. T'es sur quelque chose, tu fais, ouais, t'as vu, techniquement je suis fort et je vais te le montrer. Et genre, par exemple, l'homme pâle, il l'a fait dans un. notre registre, tu vois, quand il a sorti l'album où il y a les sons Ego, tout ça, tu vois. Ouais, Majesté, tu vois. Majesté, ouais, tu vois. Et genre, il a fait un autre truc, mais ça reste quand même de l'Ego Trip, tu vois. Et genre, c'était hyper intéressant comment c'était amené. Mais tu vois, ouais, voilà, c'est un peu spécial comment il fait. Puis, tu vois, je veux le faire un peu, mais il faut pas trop en abuser. Ouais, voilà, exactement. Faut pas se cacher derrière l'image de l'Ego Trip, tu vois. Mais, tu vois, genre. Elle a le capote et là ça va délire. Ouais, voilà, mais exactement, tu vois. Et genre, enfin, je trouve que c'est les mecs qui ont réussi un peu à se démarquer avec leur ego trip qu'on a retenu après, tu vois. Parce que c'est une case obligatoire et genre, en fait, si tu fais juste un ego trip pété, bah ça va se voir. Ouais, ouais, et puis, bah, je sais pas, tu vois, par exemple, Lumpal, au final, il a presque pris à contre-pied, tu vois, parce que le personnage qu'il avait créé dans Majesté, etc., bah, au final, dans Flip. Ouais. Il l'a pas détruit, mais il est passé un peu à côté, quoi. Il l'a un peu délaissé. Ouais. Et d'où peut-être le nom de l'album. Bah ouais. Oh là là. Oh là là. Oh, attention, on fait des connexions. Là, on est des clients. Bon, voilà, sniper, celle-là, tu vois. Le dé, en plus, il a fait un freestyle le règlement. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Alors que pour tout le temps, tu vois, il est pas ultra connu, genre. Bah quand même, il a une petite notoriété. Hein. Ouais, mais tu vois, genre, son son le plus connu, donc Triple Bicéphale, il a 1 million de vues, hein. C'est tout? Il est pas, ouais. Et sur Spotify, en stream, il est en combien? Ouais, après, j'ai pas vu Spotify, tu vois. C'est sur YouTube. Triple Bicéphale. Si, voilà, c'était Napalm, l'autre album, c'est ça que j'avais oublié, qui est sorti un an après. Ouais, Triple. Ouais. Il a 4 millions de. Deltaplan, 4 millions. 4 millions de streams. Mais après, genre. Ouais, tu vois, ces 5 premiers titres sont tous à plus d'1 million, tu vois. T'as Triple Bicéphale, Beurre de Marrakech, Katsu, Espace-Temps et Liège-Lége. Katsu qui est trop bien, je kiffe de ouf en plus. Ouais, Katsu aussi, moi aussi. Katsu, il ambiance grave bien. Il vénère un peu. Ouais, ouais. J'aime bien. Mais voilà, c'était pour faire découvrir. Je sais pas si vous connaissiez tous les deux. Putain, j'ai le seum un peu. Ouais, gros. Et on se ressent vachement tous les trois, forcément, on écoute un peu la même chose. C'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, pour la petite anecdote, bon, c'est pas une anecdote de ouf, mais j'ai des potes qui étaient à Nancy là, pour leurs études. Et à un moment, le D faisait un tour des colocs. Genre, il allait dans des villes, il demandait à des colocs de squatter chez eux, et genre, il enregistrait un freestyle là-dedans. Et du coup, là, j'ai un de mes meilleurs potes, le D est venu dans sa coloc. Ah oui? Ouais, la classe. Bon, après, mon pote était pas là, mais du coup, il a dormi dans sa chambre. Bon, du coup, j'avais un dernier album, mais je pense qu'on a assez parlé pour ce soir. Et de toute façon, cet album, j'en parlerai, c'est dans un autre, parce que ça parle de mon artiste préféré. Donc, c'est sûr qu'on en reparlera. Et bah moi je vous propose de terminer là-dessus. Donc si vous avez un petit mot de la fin, un petit titre à conseiller, une recommandation comme on le ferait. Chacun une recommandation. Ouais, une recommandation, ouais. En rap. Oh, n'importe quoi. Là moi je pense que j'ai fait une recommandation série parce que j'ai regardé une série il y a pas très longtemps que j'ai kiffé de ouf. Bah moi écoute, pour vous ou pour. Pour les personnes qui nous écoutent et pour nous, parce que bon, est-ce qu'il y aura du monde qui nous aura écouté jusque-là, on sait pas. Posons-nous les bonnes questions. Ouais. Bah moi, les gars, si vous voulez écouter, bah, du coup, dans l'album dont j'ai parlé, hein, comme ça au moins on reste un peu dans le thème, Nouvelle Vague, Fit Primero, qui est un très très bon son. Ok, du coup. Ouais, de l'ED, ouais. Mm-hmm. Celle que j'écoute le plus en ce moment. Ok, ouais, ouais. C'est vrai que bah, de toute façon, moi je trouve que l'ED, ça a écouté, donc je conseille aussi. Tout l'album en général, mais ouais, tout est bon dessus. Vas-y, mets des nouveaux. Hein. Moi, c'est juste un son de house que je ponce en ce moment, c'est Kiss of Death de Rough Stuff. De Rough Stuff. Qui est monstrueux avec des saxos qui partent dans tous les sens et un cœur qui est magnifique. Ok, donc, non, c'est vrai que c'est bien, ça j'aime bien. Je vous conseille. C'est ce que j'ai bien aimé retrouver aussi sur l'album de Nekfeu, là. Le moment où il y a les sax et les cœurs et tout, là, c'est ouf. Quand ça monte, c'est vrai que c'est une bonne vibe, j'aime bien aussi. Et moi, ma recommandation, là, j'ai regardé The End of the Fucking World il y a peu. Génial. Et bête de série anglaise là, qui vaut vraiment le coup. Un peu de signe sur les bords, mais qui aborde des bons trucs. Aussi, des fois. Un peu what, mais humour très anglais. Ouais. C'est de l'humour ou c'est pas raciné, de toute façon. Donc, voilà pour nos 3 recommandations. Bon, bah, merci à vous, les gars. C'était cool d'avoir fait ça avec vous. Et on se retrouve merci un peu. Merci à toi. Eh, les gars, là, l'équipe. Un son, une série, on peut faire un animé. Regardez Kingdom. Ouais, Kingdom, bien sûr, Kingdom, là. Lisez Kingdom. À fond. La force. Ouais, c'est trop stylé. Après One Piece. Différent. Ouais. On rentre dans d'autres considérations. Enfin bref. Yes, bon bah merci beaucoup les gars, c'était bête de cool de faire ça pour cette première fois, pour cette genèse. Et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures dans Amicalement Vôtre. Donc merci à vous. Allez, ciao.